L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Bonsoir, vous êtes sur Alternante, c'est l'heure du magazine libertaire, comme tous les jeudis soirs de 20h40 à 22h. Vous pouvez nous écouter à Nantes sur le 98.1 FM et à Saint-Nazaire sur le 91 FM, sinon sur alternante.fm, il me semble, .net, alternante.net. Vous pouvez nous contacter en direct sur le téléphone du studio au 02 40 93 26 62. Et pour le magazine libertaire, vous pouvez nous contacter aussi par notre adresse mail à maglib@boom.org et retrouver tous nos podcasts et les sons sur maglib.boom.org. Donc ce soir, nous sommes le 23 février et au menu de ce soir, nous diffuserons le dernier JT de la Parisienne Libérée. Nous parlerons des syndicats miniers et de la maison de la tranquillité publique, avant de passer aux annonces. Nous allons tout de suite commencer par le JT de la Parisienne Libérée, avec un discours de François Fillon. Nous parlerons aussi de violences policières et nous terminerons par la météo nucléaire. A tout de suite, dans à peu près 7 minutes, on vous laisse avec le JT de la Parisienne Libérée. Bienvenue sur notre antenne, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de ce journal rythmé. Présidentiel, l'ancien favori, dévoile pour nous sa nouvelle stratégie en exclusivité dans cette édition des images inédites de son intervention. Depuis le viol et les coups portés à un jeune d'Aulnay par 4 policiers, nous verrons comment le pouvoir fait diversion face à la colère et l'indignation. Petit détour par le Pays Basque Nord où l'antiterrorisme décroche la médaille d'or avant de retrouver en fin de journal la météo d'Astrid et de ses chères centrales. Mais tout de suite, en direct et pour vous, l'ancien favori joue le tout pour le tout. Engagez-vous pour défier les lois de la République française. J'en appelle à un nouvel état d'esprit. J'exige la dissolution immédiate de tous les centres de rétention administrative. Liberté pour les migrants, liberté pour les migrants. L'accueil des réfugiés est un devoir. Les frontières, je veux les supprimer totalement, une fois pour toutes, définitivement. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Les policiers que je rencontre sur le terrain tous les jours m'explique que l'extrême droite doit être fermement contrôlée et réduite au minimum. Christian Estrosi, Éric Ciotti devront impérativement être immédiatement éloignés du territoire. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. La victoire récompensera les barricades qui sont dans la rue. N'en déplaise à ceux qui pensent que le bonheur est impossible. Beaucoup de nos concitoyens ont l'impression d'être enfermés dans leur vie. Le piège, c'est la famille. Aux orties, la famille. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Mobilisez-vous pour la révolution. Engagez-vous, engagez-vous pour elle. De Washington à Moscou, d'Ankara à Téhéran, vous pouvez compter sur moi pour que notre volonté soit l'étincelle de l'explosion sociale. Moi, ce que je veux avec vous et pour vous, c'est l'anarchie. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Assumer l'anarchie, riposter pour être à l'avant-garde de la révolution. Ça fait bizarre de voir pour une fois une vidéo de lui dans laquelle il ne ment pas. On a perdu l'habitude et c'est dommage, car enfin, quelle présence et quel beau message! Les violences policières, ne l'oublions pas, sont toujours des violences d'État. Pendant que le président pose ostensiblement au chevet de la victime tel un médecin traitant, certains se demandent si les agresseurs armés ont agi ou non de façon délibérée. Le rapport de l'IGPN est formel, il s'agit bien d'un viol accidentel. Un sévice fortuit, inintentionnel, qui ne présente pas de caractère sexuel. Pendant que le président veut avoir l'air gentil, pendant qu'il lui prend la main et qu'il compatit, sur les plateaux, un syndicat de police banalise les pires insultes racistes. Sale nègre, ok, vaut mieux éviter. Quoique c'est pas pire que Bougnoul ou Niakwe. Youpin, ça ne se dit plus. Biko, c'est regrettable. Mais Bamboula, ça reste à peu près convenable. Pendant que le président aligne les phrases plates, justice est rendue en comparution immédiate. Et le tribunal choisit l'escalade en embastillant pour délit d'embuscade. Les accusés, c'est vrai, n'ont commis aucune violence. Mais c'est dangereux, un jeune, quand on y pense. On les a trouvés là, à côté d'un tas de pierres. Imaginez ce qu'ils auraient pu en faire. Pendant que le président s'émeut, la police, elle, tire ses sommations avec des balles réelles. Et les habitants des quartiers populaires ramassent des douilles pour les montrer à monsieur le maire. Pendant que le président fait face aux journalistes câlinant le blessé d'un air paternaliste, le Parlement vote une loi sécuritaire qui donne carte blanche aux violences policières. Un processus de paix ? Quel processus de paix ? Superbe opération de l'État français. Le raid de la BRI, armée, cagoulée, ont encerclé un village dans la nuit pour un coup de filet d'un genre inédit. Ils ont trouvé les suspects à l'heure dite armés d'une meuleuse et d'une perceuse électrique. en train de neutraliser un arsenal de guerre ayant appartenu à ETA militaire. Mais où va-t-on si des milites en font la paix? Au lieu de promouvoir la lutte armée, les 5 dangereux démilitaristes ont été présentés au juge antipacifiste. Et tout de suite, on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À Dampierre, pépin de condensateur, l'exploitant a procédé à des lâchers de vapeur sans rien dire à l'autorité de sûreté. EDF, petit cachotier. Un conteneur d'hexafluorure mal identifié a, par inadvertance, été expédié vers l'un de nos clients étrangers. Les erreurs de colis, ça peut arriver. À Nogent-sur-Seine, un filtre limité les rejets dans l'air de radioactivité, mais il était monté à l'envers depuis 3 ans. Ça n'aurait eu d'incidence qu'en cas d'incident. À La Hague, Areva reconnaît avoir autrefois un peu contaminé les terres voisines à l'américium, un élément radioactif marqueur du plutonium. Passons rapidement sur Fukushima, où les nombreux experts n'en reviennent pas, des niveaux de rayonnement monstrueux relevés dans le réacteur 2. Direction Flamanville, où une petite détonation semble avoir suscité beaucoup d'émotions. Allons, allons. Pas de quoi avoir peur, ça n'était que l'explosion d'un ventilateur. À Cap-Nome, un nouvel incendie. 1000 m2 de bureaux ont été détruits. Un si grand feu qu'il a illuminé la nuit, donnant lieu à de jolies photographies. Enfin, bonne nouvelle, dans les Monts d'Arrêt, la petite Brennilis, depuis 30 ans fermée, sera démantelée, si tout se passe bien, à l'horizon 2031. Si on trouve comment faire. Un grand merci à Astrid pour cette météo nucléaire qui nous fait voyager partout en France avec un inébranlable sentiment de confiance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles intempéries. That's the sound of the police. That's the sound of the police. sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Vos voisines font mal le tri sélectif? Le chat de votre voisin traîne dans votre jardin? Votre voisin n'a pas coupé son gazon à la hauteur réglementaire? Votre voisine refuse les compteurs Linky? Dénoncer son voisin, un geste simple, un geste utile, un geste civique. Ceci est un message de la Maison de la Tranquillité Publique de Nantes Métropole. Pour votre santé, dénoncez un ou deux voisins par jour. On trouve toujours un petit moment pour dénoncer son voisin. La police. Bon, eh bien, on est de retour sur l'antenne du magazine Libertaire. Et je vais enchaîner, comme je peux, avec le texte Footrack du soir. Et voilà, c'est parti. Dans le billet Footrack précédent, je rappelais combien le destin du mineur était irrémédiablement lié à la terre. Cette même terre qui le voyait naître et grandir, et qui se chargerait bientôt de l'engloutir tout entier, sans même prendre la peine d'attendre sa mort. Pour le mineur, et plus généralement pour les familles de mineurs, on comprend bien que l'inéluctabilité de cette mort certaine, quelle que fût sa forme, ne devait pas être facile à accepter en pleine conscience. C'est d'ailleurs de cet inacceptable à accepter que proviennent les prémices des révoltes minières dont la récurrence devait bientôt mettre à mal le seuil de rentabilité fixé par les dirigeants des grandes compagnies. Dès lors, il fallait réagir. Trois possibilités s'offraient à ces dirigeants. L'acceptation des conditions des mineurs, l'étouffement en douceur du mouvement ou la répression brutale. Cette dernière solution a longtemps eu les honneurs et les faveurs de la prédilection patronale. Mais des décennies de violence à leur encontre finirent par rendre les mineurs eux-mêmes encore plus radicaux, aboutissant systématiquement à la destruction de l'outil de travail et donc à des dépenses supplémentaires. Après quoi, le travail reprenait sans que personne n'ait gagné au change. Une autre alternative aurait pu se solder par une réponse positive aux revendications légitimes des mineurs, ce qui n'arriva pas. Les directions des fosses minières choisirent alors la solution de l'entre-deux, un investissement minime mais fondamental pour une répression légère, mais quotidienne. C'est ainsi que les compagnies minières se mirent à construire de grands ensembles de logements et des lieux de vie sur un mode paternaliste, très en vogue entre le milieu du 19e et le début du 20e siècle. Ces ensembles, ce sont les corons. Des habitations ouvrières appartenant aux compagnies, donc, et qui servaient de logements temporaires pour les travailleurs, tant qu'ils descendaient à la mine et tant qu'ils payaient le loyer demandé, bien sûr. Mais si pour les ouvriers, ces maisons étaient l'assurance d'avoir un toit sous lequel ils pouvaient dormir entre deux journées de labeur inhumain, les corons avaient en outre un autre avantage bien plus précieux encore aux yeux de la direction. En effet, ils se sont vite imposés comme l'habitat permettant la préservation, si fragile mais ô combien importante, de l'ordre social. Séparés géographiquement du reste du monde, car situés à proximité des mines et isolés des centres urbains, les corons avaient pour vocation de forcer les familles de mineurs à vivre ensemble, sans jamais avoir à sortir de ses limites, au cœur d'un périmètre à la dimension d'une ville. D'ailleurs, on trouvait de tout dans ces corons, épiceries, magasins en tout genre, églises, etc. Mais tout ce que l'on trouvait appartenait à la compagnie. D'autre part, l'objectif était de réprimer les mouvements d'humeur des mineurs avant qu'ils ne soient exprimés au grand jour. Pour cela, un habile réseau de surveillance sociale avait été imaginé, une surveillance globale, autant physique que psychologique. Elle commençait par le curé du coron, véritable référent, garant de l'autorité morale des lieux. Pour pouvoir être embauché à la mine, les ouvriers devaient d'ailleurs être en capacité de présenter un certificat de communion religieuse en bonne et due forme, première étape d'une soumission spirituelle qui leur était obligatoire à tous. La seconde lame se matérialisait par l'autorité physique des gardes armés, dont le rôle était d'écraser les soulèvements avant qu'ils ne se propagent. Une bien belle machinerie sociale, diablement efficace, mais qui comportait en elle un écueil de taille. Et oui, si les corons ont été construits pour la surveillance, notamment des discussions des ouvriers hors du temps de travail, elles ne purent jamais en revanche détruire la solidarité qui existait entre les mineurs. Pire, avec le temps, cet habitat collectif horizontal finit par tisser des liens extrêmement forts entre les individus qui le composent, d'autant que plusieurs générations s'y succèdent parfois au même endroit. Les estaminets, ces bars dans lesquels les mineurs viennent boire une partie de leur salaire au sortir des journées de travail exténuantes, sont les premiers lieux de sociabilité au sein des corons. Ce sont aussi souvent les premiers lieux d'où les langues se délient et d'où s'élèvent les prémices des grognes à venir. Des grognes qui s'intensifient à mesure que les salaires diminuent et que les conditions de travail se durcissent. Et c'est à force de parler ensemble qu'apparaissent les premières velléités syndicales des ouvriers. Ces syndicats se révèlent vite pour eux être la possibilité la plus réaliste de tenir la direction des compagnies comme leur égale, et donc de la forcer à discuter, ce à quoi ils ne sont jamais parvenus jusque-là. Et l'instrument de cette possibilité, c'est la grève faite grâce aux caisses de subsistance qui permettent de la faire durer. Surtout, les grèves sont longtemps restées l'apanage d'une colère spontanée qui faisait suite à une baisse de salaire drastique ou au décès soudain d'un collègue. Mais avec l'émergence du syndicalisme, de nouveaux modes de lutte deviennent donc possibles. Des actions préméditées, organisées et non maîtrisées par la direction. Bon, le fait est que pour tout ça, il faut attendre 1884 et le vote de la loi dite Valdec-Rousseau relative à la création des syndicats professionnels. En réalité, 1884, c'est surtout l'année de la grande grève des mineurs d'Anzin. Cette grève mobilisa plus de 40 000 grévistes pendant 56 jours et servit de modèle à Zola pour son roman Germinal. Et c'est surtout grâce à cette grève que la loi Valdec-Rousseau vit le jour par un gouvernement forcé et contraint. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le syndicalisme sort décapité de ce mouvement social par un patronat qui prend peur et qui sent que sa mainmise sur les ouvriers s'estompe. Ce ne sera finalement qu'en 1898, 14 ans plus tard donc, que se reconstituera timidement une cellule syndicale du côté des mines d'Anzin. En attendant, les mineurs se politisent de plus en plus. Ils profitent aussi à plein de la médiatisation d'Émile Basly. Un jeune mineur épris d'idéaux, renvoyé en 1880 pour avoir joué un rôle de chef de file lors d'une précédente grève aux mines d'Anzin. Il se convertit alors en cafetier et son commerce devient vite un lieu de réunion pour tous les militants des environs. Finalement, Basly tiendra un rôle majeur dans la grande grève de 1884. Après quoi, il se lance dans la politique, est élu député du Nord-Pas-de-Calais ainsi que maire de Lens. Non sans chapeauter le microcosme syndical de la région. En 1902, lors d'une grève concernant le temps de travail, le vieux syndicat réformiste, désormais contrôlé par Basly, est pris à partie par un jeune anarcho-syndicaliste répondant au nom de Benoît Broutchou, que nous avions déjà évoqué sur cette même antenne il y a quelques mois. S'ensuivra une inimitié durable entre les deux personnages, Broutchou dénonçant à la fois la confusion entre politique et syndicalisme, ainsi que l'inertie dans la lutte du vieux syndicat, conséquence de ses relations, et de fait de celle de Basly, avec la direction minière. C'est dans ce contexte que se crée au début du XXe siècle un mouvement syndicaliste et résolument révolutionnaire dans les bassins miniers du nord de la France, mouvement dont nous reparlerons plus tard. Dans le même temps, à l'autre bout de la France, dans le Tarn, c'est une effervescence au moins égale à celle d'Anzin qui tient en haleine le sud-ouest, mais bien plus généralement la France entière. Les journaux suivent, comme rarement, cette lutte qui débute lors de l'été 1892 pour se poursuivre pendant 72 jours. Jérôme de Solages, dit marquis de Solages, est alors propriétaire des mines de Carmo ainsi que député de la circonscription du Tarn. Il a l'obsession de régir son entreprise, comme le territoire dont il a obtenu la députation, d'une main de fer, en instigant l'ordre et en matant les révoltes qui nuisent à la rentabilité de ses mines. Néanmoins, ce sympathique royaliste légitimiste convaincu est contraint de démissionner après cette grève extrêmement dure de 1892. Une grève qui est en fait la conséquence du licenciement politique de Jean-Baptiste Calvignac, employé à la mine, mais pour la double raison de son engagement syndical et de son élection à la mairie de Carmo au mois de mai de la même année. Le soulèvement des Carmozins devient vite une référence à l'échelle nationale en termes de lutte sociale par les différents aspects qui la composent. La solidarité jusqu'au boutiste des ouvriers du bassin minier, mais aussi l'appui politique et national d'une personnalité encore inconnue mais appelée à la postérité, Jean Jaurès. Ce dernier prend fait et cause pour les mineurs de Carmo dès le début de la grève, contribuant grandement à la médiatisation du mouvement. Alors que le gouvernement avait initialement envoyé l'armée pour mater la rébellion, il est lui-même contraint de négocier, reconnaissant ainsi de facto la légitimité de la lutte des ouvriers de Carmo. De camouflé en camouflé pour le pouvoir, et de victoire en victoire pour les mineurs, Jean-Baptiste Calvignac est finalement réintégré à son poste. Jaurès quitte, lui, le professorat à l'université de Toulouse pour être élu député du Tarn après la démission du dit marquis de Solages. L'effervescence de l'été 1892 aura démontré à tous que le vieux monde, jadis figé, n'était qu'une illusion de pouvoir, et que la solidarité ouvrière pouvait avoir raison du patronat. De grandes avancées en perspective pour les mineurs, donc, mais pas de quoi stopper la grève, loin de là. Bah ouais, puisqu'en parallèle du soulèvement des ouvriers mineurs, une autre forme de syndicalisme va voir le jour, toujours sous l'impulsion de Pierre Valdec-Rousseau, ainsi que des directions minières. J'ai nommé le syndicalisme jaune, ou autrement appelé la droite prolétarienne. Ça fait rêver, non ? Le but du dit-rêve étant de contrer les grèves en embauchant des ouvriers qui promettent de ne pas stopper le travail. Un fantasme patronal nirvanique à double effet, conjuguant à la rentabilité continue une fragmentation irréversible de la solidarité ouvrière. Mais je vous en dis pas plus, le reste, ça sera pour le prochain billet foutraque. En attendant, champagne ! Le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils, les crachins, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jeanlin. J'y suis né, j'y errais, j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du nord, ses routes, ses trottoirs de pavés, sur mon mountain bike, j'ai roulé, roulé, à grand bas des grands bergers, ruminé, rêvassé, les semelles de mes Nike, je les ai usées, usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon, c'est le stress, l'angoisse, au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien. Chez moi, dans le nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor. J'suis un idiot, un vrai de vrai, mon salaud. H'ti à Chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de chlore. J'suis un idiot, un vrai de vrai, mon salaud. H'ti à Chabert, un bourrin, un frollo. Une équipe de foot supportée par les skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prenne pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cowboys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, l'île, le fief, le pays des socialos, la gauche caviar, discriminante et démagogue, dans nos murs comme l'amiante, invisible et dangereuse, franc-maçonne vicieuse, paternaliste et mafieuse, ça se la raconte intègre, authentique et populaire, et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux, vu le ramassis de merde qui nous fout dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière du poison, quelques pièges, quelques souricières. J'suis un idiot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti à Chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de chlore. J'suis un idiot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti à Chabert, un bourrin. Live by night, c'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico, pique du zen dans les halls de gare. Et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je veux pas te faire l'apologie, mon code postal, le FRQ ou le chauvin à deux balles. Dans ce pays on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille c'est déjà ça. Alors je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité, j'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je brasse du vent, mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits pouchins, une pour HK. Mon gros rongin, très très loin des décors paradisiaques, mais finalement, qu'est-ce qu'on est bien à ce baraque. J'suis un idiot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti à Chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de chlore. J'suis un idiot, un vrai de vrai, mon salaud. Un ch'ti à Chabert, un bourrin, un frollo. Et alors, un vrai de vrai de chlore. Vos voisins sont allés à la manif contre l'aéroport. La maison de votre voisine squattée. Votre voisine a laissé le robinet couler pendant qu'elle se lavait les dents. Le fils du voisin laisse son ordinateur en veille plutôt que de l'éteindre. Dénoncer son voisin, un geste simple, un geste utile, un geste civique. Ceci est un message de la Maison de la Tranquillité Publique de Nantes Métropole. Pour votre santé, dénoncez un ou deux voisins par jour. On trouve toujours un petit moment pour dénoncer son voisin. On est toujours dans le magazine Libertaire et effectivement, on trouve toujours un petit moyen pour dénoncer son voisin, notamment quand la mairie de Nantes met à disposition des moyens qui lui permettent de faciliter ça. Et ça fait quelques années en fait que la ville de Nantes elle en parle et ça y est, c'est arrivé, la maison de la tranquillité publique est arrivée à Nantes. Un numéro de téléphone et un site web pour dénoncer ses voisins, c'est trop la classe. Avec un petit bémol quand même, l'accueil physique du public peut pas être assuré pour le moment parce que les travaux du bâtiment situé à la manufacture prennent plus de temps que prévu. En fait, le bâtiment était pourri. C'est trop dommage. Enfin, on peut toujours s'imaginer que si les travaux durent plus longtemps que prévu, ça va coûter aussi plus cher que prévu et que toute cette thune mise dans, notamment, permettre aux gens de dénoncer leurs voisins, bah, peut-être ça pourrait être mis ailleurs et notamment permettre aux gens de manger et de se loger. Mais enfin bon, ça fait bien longtemps qu'on n'imagine plus que la ville de Nantes, ni d'autres d'ailleurs, priorité à la sécurité. Voilà, priorité à la sécurité. Alors certes, on peut retrouver des services en fait qui peuvent être pratiques hein, dans cette maison de la sécurité, enfin non, de la tranquillité publique, pardon. On va se tromper plusieurs fois. Toujours sécurité publique, tranquillité publique. Je me suis dit que finalement, c'était peut-être la même chose en fait. Oui. Effectivement. Mais oui, on peut retrouver quelques trucs un peu pratiques, genre quelques démarches vite fait quoi. Quand tu déménages, de pouvoir avoir les panneaux qui te permettent de réserver quelques places de stationnement pour mettre le camion de déménagement, tout ça. Bon, bah ça, soit déjà on les trouvait avant, soit on ne le faisait pas, du coup, bon, c'est pas très utile. Et en fait, bah, on se rend assez vite compte que vraiment l'objectif en fait, de cette maison de la tranquillité publique, c'est vraiment l'incitation à la délation. Et que l'intérêt de la ville de Nantes, il est bien d'impliquer en fait les habitants et les habitantes dans le processus de dénonciation des infractions, des nuisances et des incivilités. Hein, pour ce qu'ils appellent infraction. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, pour reprendre leur vocabulaire eux-mêmes. Ouais. C'est clair que nuisances, incivilité, infraction, insécurité, c'est un peu leur vocabulaire, quoi. Et on retrouve dans le dispositif, ce que je voulais dire, c'est qu'on retrouvait aussi le dispositif qui était présenté là dans un rapport de l'Institut National. Du coup, le dispositif, je suis en train de m'embrouiller, je ne vais pas commencer à m'embrouiller, on a commencé il y a 3 secondes. Le dispositif, en fait, de la Maison de la Tranquillité Publique, en fait, c'est, on va le retrouver présenté dans un rapport, avant même que ce dispositif y soit expérimenté, parce que c'est un rapport qui date de 2015, un rapport de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice, dont on va parler tout à l'heure. Juste pour dire la Maison de la Tranquillité Publique, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pendant 3 heures ce que c'est. C'est une plateforme web et un numéro de téléphone. Et peut-être bientôt, quand ils auront réussi à trouver des locaux qui ne s'écroulent pas, un accueil physique pour dénoncer, entre autres, ses voisins. Mais bon, on peut dénoncer plus loin que ses voisins. Hein. La mairie ne limite pas ça. Et en plus, dans le climat actuel, là, et dans les trucs en plus qu'est en train de faire la ville de Nantes pour la sécurité, parce que la ville de Nantes, elle n'est pas extérieure hein, au reste du monde, et elle n'est pas extérieure notamment à la politique sécuritaire qui continue à faire toujours plus de merde et qui continue toujours à plus nous écraser. Et dans les trucs en plus, en fait, il faut noter que viennent de commencer depuis février, du coup, qui est la même date, en fait, le 1er février, qui est la même date que l'ouverture de la Maison de la Tranquillité Publique. Et bien maintenant, il y a des patrouilles de flics municipaux tous les jours de la semaine, de 10h à 19h, plus le samedi sur une extension, une amplitude horaire moins grande, mais bon... aussi quoi, donc 6 jours sur 7, des patrouilles de flics municipaux dans les quartiers de la ville, dans tous les quartiers de la ville, alors que jusque-là ils étaient plutôt principalement attribués, affectés au centre-ville. Ils vont patrouiller partout, il y a une 20aine de flics qui a été embauchée en plus pour pouvoir supporter la charge de travail supplémentaire. Et la ville, elle, dans son délire de ville apaisée, ville où il fait bon vivre, etc., elle appelle ça de l'îlotage. Moi, j'aurais plutôt tendance à appeler ça du quadrillage de la ville et du contrôle, quoi, mais bon. Enfin, c'est une ville morte, en fait, quoi. Enfin, c'est ouais, c'est clair, quoi. Muette, enfin, c'est... Ah, ça me fait penser à ça, quoi. Bah ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Ouais, le moindre truc. Et d'ailleurs, Nicolas, il va le dire, en fait. Le rôle de la police municipale, du coup, c'est, ça va pas être forcément... Ça va être de relever quelques infractions, mais pas que, aussi. Ils vont agir sur des trucs qui sont pas de l'infraction. Du genre, il y a des jeunes qui squattent en bas de ta cage d'escalier. C'est du rôle de la police municipale de les dégager. Ils sont pas forcément en infraction, en fait. Hein. Mais bon, faut quand même les dégager. Du coup, ça montre un peu ouais, l'ambiance. Alors pourquoi les jeunes, par exemple, qui squattent, c'était dans le comment dire, sous Jospin, là, dans le truc de sécurité quotidienne, dans la loi de sécurité quotidienne, il y avait quelque chose comme ça. Ouais, il y avait un truc d'être pas être plus de, je sais plus combien, à squatter. Voilà. Et du coup, ils font référence. Enfin, c'est une référence à. Non, même pas. Ils font même pas référence à ça, quoi. Quand Gilles-Nicolas il parle de ça, lui, il parle de la différence entre la police nationale et la police municipale. Que la police nationale, on va pouvoir l'appeler, par exemple, quand il y a du deal, quand il y a des trucs comme ça, qui sont des infractions, en fait, et du coup, on peut appeler les flics. Mais la police municipale, en fait, on peut l'appeler quand il n'y a pas des infractions, mais qu'il y a des nuisances. Ah oui, ça dérange, la différence en fait, entre... Ça dérange, en fait. C'est pas... personne n'enfreint la loi, personne... les gens, ils font pas un truc illégal ou quoi. Genre, ils sont posés tranquillou à fumer des clopes ou des joints. Bon, peut-être ils enfreignent la loi, mais en tout cas, ils sont posés tranquillou, machin. Et on va appeler la police municipale pour les faire dégager, quoi. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle, du coup, les nuisances, hein, parce que... Quand des gens se posent le cul dans un endroit où ils peuvent se poser... À l'abri, où ils sont bien, où ils peuvent discuter. Voilà, c'est une nuisance. Merci la ville de Nantes. Hein. On vous rappelle, pour celles et ceux qui ne sont pas à Nantes, en fait, c'est une mairie socialiste de gauche. Au cas où, je veux dire, vous pourriez croire qu'on est à Béziers ou je ne sais pas, mais non, on n'est pas à Béziers, on n'est pas à Orange, on n'est pas à Toulon, on n'est pas... National socialiste. J'ose pas, mais... En ce moment, on peut tout oser. Bamboula est devenu un terme affectueux. Je disais que bamboula était devenu un terme affectueux. J'ai vu ça tout à l'heure, je suis tombé des nues. Maintenant, tout est possible. Maintenant, on peut dire tout et n'importe quoi. Clair que l'idée aussi de dire qu'on est dans une, qu'à Nantes on est bien dans une mairie socialiste, c'est aussi l'idée de rappeler que du coup toutes ces idées là de sécurité, mais aussi effectivement de racisme, de monter les gens les uns contre les autres, et notamment monter les pauvres hein, les uns contre les autres, parce que c'est ça qui est intéressant pour le gouvernement. Ouais, c'est bien quelque chose dans l'air du temps, quoi, et que c'est pas plus étonnant que ça, qu'ici on ait du coup des patrouilles, qu'on nous colle des patrouilles de flics municipaux qui sont entre autres chargés de dégager les jeunes en bas des cages d'escalier. Avec des matraques qui vont directement dans l'anus, naturellement, par accident. Voilà, par exemple. Et effectivement, du coup, j'allais y venir, en plus de ces patrouilles de flics municipaux. Non seulement, du coup, il y a des flics municipaux en plus, mais encore en termes de moyens, en fait, ces flics municipaux qui sont toujours plaints de ne pas être assez armés, alors qu'ils avaient déjà matraques, gazeuses, tasers, menottes et gilets pare-balles, et ben, ils vont en plus disposer à partir de maintenant de flashballs, enfin plus précisément des lanceurs de balles de défense, de matraques télescopiques et de caméras piétons, en fait, et du coup, ça va toujours vers plus... plus d'armement aussi, et de disposer de cet armement supplémentaire, en fait, ça va pas empêcher leur syndicat principal, FO, mais aussi les autres syndicats de la police municipale à Nantes, mais c'est un mouvement qu'on retrouve ailleurs qu'à Nantes aussi, quoi, de réclamer des armes à feu. Et certains syndicats de la police municipale, notamment des syndicats nationaux, en fait, ils parlent même plus d'armes à feu, ils parlent d'armes létales. Ça a au moins le mérite d'être clair, en fait, effectivement, ces armes, elles sont létales. Bon, les autres, c'est pas qu'elles sont pas létales, hein, le flashball, le taser et tout ça, on peut tuer, en fait, comme ça, avec la matraque aussi. On peut tuer avec des flics tout seuls sans armes aussi, hein, ça, ils y arrivent assez bien, d'ailleurs. Mais c'est pas pour légitimer les autres armes, mais en fait, eux, ils vont quand même plus loin et ils demandent des armes à feu. Je pense que tous ces braves honnêtes gens auraient pu faire une carrière brillante sous Vichy, mais ceci n'engage que moi. Hein. Ah bah oui, une bonne partie d'entre eux, oui, c'est clair. Hein. Non, pas trop de doute, mais ça, effectivement, ça engage que l'émission, quoi. Mais il y a pas trop de doute. Enfin, du coup, voilà, ils sont en train. Là, ce qui est en train de se passer à Nantes, c'est qu'il y a un mouvement de flics municipaux qui est en train de se monter, et ils sont en train de dire qu'ils veulent pas aller, en fait, faire du coup ce que la ville de Nantes appelle l'îlotage. En fait, ils veulent pas aller faire les patrouilles dans les quartiers s'ils n'ont pas des armes à feu. Et c'est quand même assez à la fois pitoyable et significatif, en fait, de la vision qu'ont les flics des quartiers populaires, en fait. Et Surtout quand on voit comment ils ont géré pendant la loi travail la sécurité au niveau de Decré, quand ils ont roulé sur la jambe d'un SDF et puis foncé dans la foule, donnez-leur une arme, ils vont faire un carton, ils vont se comporter comme de véritables cow-boys, quoi. Donne-leur des armes, fais un carton, Johanna, vas-y, roule. Alors Johanna, pour l'instant, Johanna Roland et Gilles Nicolas, qui est élu en charge de la sécurité, ils disent qu'ils ne vont pas donner d'armes à feu à la police municipale. Après, on va voir comment ça avance le mouvement, ouais, parce que les syndicats de flics arrivent régulièrement à avoir ce qu'ils veulent. Cause, ouais. Et que la plupart des villes, la plupart des villes qui avaient refusé de donner des armes à feu à leur police municipale, en fait, elles sont en train de reculer. De reculer sur ce point, notamment sous prétexte d'antiterrorisme. On sait que les prétextes d'antiterrorisme, ça reste des prétextes, quoi. En tout cas, du coup, il y a ce truc-là. Ils ont plus d'armes, ils continuent à pigner que... eux, ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est des armes à feu. Voilà. Et en plus de ces trucs-là, du coup, on en était... je refais un récap pour voir qu'on se perde. On en était à, du coup, cette nouvelle maison de la sécurité publique qui va s'accompagner... Enfin, qui s'accompagne d'ores et déjà de patrouilles de police municipale dans tous les quartiers nantais, y compris les quartiers populaires. Et donc une volonté de reprendre le contrôle par la ville, de reprendre un contrôle policier, en fait, des quartiers populaires. Du coup, ça, plus d'armement de la police municipale. Et en plus encore, va s'ajouter la question de la vidéosurveillance que Johanna Roland, en fait, a longtemps dit « Ouais, ça sert pas à grand-chose. Les études, elles montrent que ça fait pas baisser la délinquance, blablabla. » Puis aujourd'hui, elle dit « Oui, bon, on n'est pas très sûr que ça serve vraiment à quelque chose, mais c'est pas grave, on va quand même faire une étude. » Une étude d'ailleurs dont on n'a pas eu encore, qui devait être rendue à l'automne, dont on n'a pas eu connaissance du rapport. Du coup, on ne sait pas ce qu'elle dit cette étude et on ne sait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être d'autres gens savent, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Bon, en tout cas, il y a de grandes chances que ce qui s'annonce aussi, c'est encore plus de caméras dans la ville. Donc, maison de la tranquillité publique, plus de flics municipaux à faire. À quadriller, en fait, tous les quartiers de la ville, des caméras supplémentaires. Et en plus de ça, le renforcement, en fait, de la collaboration entre la police municipale et la police nationale. Et du coup, cette collaboration, elle existait déjà, et elle existe depuis longtemps. Mais là, elle se renforce, en fait, et notamment, elle se renforce à travers la dernière convention de coopération et avec, parmi les mesures qui ont été annoncées, la possibilité pour la police municipale d'accéder aux communications radio des flics nationaux pendant certains événements à risque. On se doute bien de quels événements à risque il s'agit. Il n'y a pas trop besoin de se poser des questions. J'imagine quand ça pète un peu dans les quartiers périphériques et puis en manif, quoi. Il y a Mathieu Rigousse qui parlait d'un marché juteux de la sécurité. Ouais. Là-bas, ils vont se faire du pognon fou. Ça va être c'est assez ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis... Alors, quand on parle d'un pognon de ouf, du coup, la collaboration, on disait que c'était pas nouveau. Et dans les matières, dans les manières, là, et les trucs qui sont arrivés il y a pas longtemps, la ville de Nantes, en fait, qui a prêté main forte à la police nationale lors d'une grosse opération à Nantes, d'une grosse opération policière à Nantes, soi-disant une opération anti-drogue. En fait, moi, de ce que j'en ai entendu parler, c'était... au moins la moitié des gens qui se sont fait gauler, ils avaient rien à voir avec ce qui se passait, mais ils se sont fait rafler comme d'autres, et ils ont eu des perquis chez eux, et enfin bref, c'était super, comme d'hab, quoi. Et en tout cas, en collaboration, du coup, c'est la police nationale qui a mené ce truc-là. Mais ils n'avaient pas les moyens de faire toute l'enquête, en fait, pour faire cette opération. Et du coup, c'est la ville de Nantes qui a acheté une caméra espion, une caméra qui coûte entre 30 000 et 40 000 euros. C'est pour ça que je disais que sur le truc des marchés juteux de la sécurité, c'est très clair que... Ben oui, les choses, elles coûtent cher quand on parle de sécurité. Peut-être une même caméra qui ferait exactement la même chose techniquement, exactement la même chose, mais qui serait réservée à un autre usage, elle coûterait pas 30 à 40 000 euros. Enfin, je sais pas si vous imaginez 30 à 40 000 euros de matériel électronique, mais ça tient pas dans une toute petite caméra. C'est pas possible, en fait, physiquement. Je sais pas combien ça représente de volume, mais ça tient pas dans une minuscule caméra qui est dissimulée au milieu d'une place où il y a trois fois rien, à part deux pauvres arbres rachitiques. Mais on va laisser les journaux mainstream et notamment européens vous raconter en fait cette opération de police. Non pas parce qu'on trouve ça intéressant ce qu'ils racontent, mais parce que les acteurs de l'opération, ils racontent eux-mêmes la merde qu'ils font et qu'on trouve ça intéressant que vous entendiez la manière dont ils le racontent eux-mêmes. Donc c'est le coup de pouce de la... Ouais, d'accord, c'est okay. Ça. Europe 1, 7h34, Hélène Zélani. Gros coup de filet antidrogue cette semaine dans un quartier sensible de Nantes. 80 policiers mobilisés, près de 200 000 euros saisis. Il a fallu 5 mois d'enquête et surtout un important coup de pouce matériel de la mairie, François Coulon. Oui Hélène, c'est une petite caméra espion haut de gamme, indétectable, qui a été planquée pendant 5 mois sur une place. Plaque tournante de ce trafic, pas de policiers bloqués pendant des heures. Et repérable, c'est ce petit bijou technologique qui a permis de démanteler le réseau. Les policiers nantais n'avaient pas les moyens de se l'offrir. La ville de Nantes a investi et prête la machine au commissaire Jean-Christophe Bertrand. On n'aurait pas pu l'acheter avec notre budget. Cette année, la priorité, ça a été axée sur la protection de nos fonctionnaires. Les équipements de protection passaient avant l'achat de matériel de surveillance. Et ma priorité va quand même à la protection de mes personnels. Alors, c'est aussi une façon pour la mairie de Nantes d'orienter le travail des policiers. Gilles Nicolas, adjoint à la tranquillité publique. Cette caméra doit travailler sur des secteurs qu'on a choisis ensemble. C'est pas la police qui va le déterminer seule. Là où les habitants souffrent particulièrement. Elle coûte combien cette caméra ? Entre 30 et 40 000 euros. Voilà, la fameuse caméra va immédiatement reprendre du service dans un nouveau secteur qualifié de prioritaire par la mairie. Ouais. Donc voilà, on vient d'entendre, le petit reportage sur ce qu'on disait, du coup, cette petite coopération police-mairie. Et aussi on vient d'entendre Gilles Nicolas, et un peu pour le situer, en fait, Gilles Nicolas qui est adjoint municipal chargé de la sécurité et de la tranquillité publique. Le mec hein, qui sait pas, qui dit que c'est entre 30 et 40 000 euros la caméra, enfin à 10 000 euros près, il est adjoint à la sécurité publique, mais à 10 000 près, il sait pas vraiment le prix, quoi. Ça donne envie. Et en fait, ce mec, c'est un ancien commissaire des renseignements généraux. Voilà, bon, bah, quand on sait que c'est un ancien IRG, on ne s'étonne pas trop de ces modes de coopération. C'est pour ça qu'on appelait la maison de la sécurité publique. Voilà. La maison des renseignements. Non, pas la maison des renseignements publics, la maison. Et en fait, Gilles Nicolas, il n'est pas le seul à être dans ce cas-là. Ce serait vraiment dommage qu'on n'en ait qu'un. On a aussi à Nantes, en fait... Donc lui, il est élu, en fait. Hein. Gilles Nicolas, il est élu. Il a été un temps payé par la police municipale. Mais en fait, comme il était retraité, il y avait eu aussi une histoire qu'ils n'étaient pas passés à l'interne pour le recrutement, machin. Enfin, il y a eu une embrouille. Et du coup, hop, il a été repêché. On l'a foutu chez les élus pour qu'il continue à donner son avis sur la sécurité. Mais il n'est plus salarié de la mairie, en tout cas pour ça. Par contre, on a deux autres salariés de la mairie qui sont des anciens des renseignements généraux. C'est Didier Fillon-Nicolet, qui est actuellement directeur général adjoint de la tranquillité et de la sécurité publique de la ville de Nantes, donc salarié de la ville de Nantes. C'est l'ancien directeur du renseignement intérieur du département 44. On en a un autre, parce que ce serait dommage. Fillon, ce ne serait pas un emploi fictif, hein, par hasard ? Non, par contre, je crois qu'il bosse vraiment. Ah ouais, d'accord. C'est dommage. Alors, si vous nous écoutez, la bande à renseignements généraux, moi, je serais pas trop contre. Hein. Je pense que personne ici serait contre que vous ayez un emploi fictif et que vous arrêtiez un peu de faire du zèle. Du coup, il y a ce mec-là, en fait, qui est l'ancien directeur du renseignement intérieur du département. Et on en a un autre, c'est Lionel Edmond, lui qui est directeur de la tranquillité publique et qui est l'ancien directeur adjoint du renseignement intérieur en Pays de la Loire. Hein. Du coup, ça fait au moins trois, en fait, trois types qui sont issus des renseignements généraux. Et dans certains, quand j'ai fait des recherches, en fait, certains disent qu'ils sont mis à disposition de la ville, et du coup ça demanderait à vérifier s'il y a des gens qui ont des infos, qu'ils n'hésitent pas à nous les envoyer, ça demanderait à vérifier si en plus il n'y a pas une histoire que le ministère de l'Intérieur met à dispo ou donne des congés à des anciens agents du renseignement pour les coller dans les villes. Mais en tout cas, voilà, pas de doute qu'à Nantes, côté sécurité, on sait s'entourer, quoi. Et on sait aussi s'entourer pas que d'acteurs de la police, hein. On s'entoure aussi de plein d'autres acteurs. Comme partout en France, hein, c'est pas Nantes-Nantais. Comme partout en France, en fait, depuis un paquet de temps maintenant, les pouvoirs publics y mettent beaucoup d'enjeux et d'énergie dans le contrôle et la répression des gens, et notamment des jeunes, dans les quartiers populaires. Et parmi les dispositifs en direction de ces territoires, en fait, il y a les contrats de ville, les contrats locaux de sécurité et un tas de conventions, qui permettent aux États et aux collectivités territoriales de financer des actions dont le principal objectif est le maintien d'une certaine paix sociale. Et parmi les actions qui sont issues de ces contrats, en fait, il y a un certain nombre de ces actions qui portent sur la coopération entre les différents acteurs, en fait, sur un même territoire et à différents niveaux. Et parmi les acteurs, du coup, on va retrouver la TAN, la société de transport de la ville, les bailleurs HLM, des associations, dont l'Accor, qui est la plus grosse association, la plus grosse boîte d'animation socioculturelle à Nantes, du coup, qui s'occupe des enfants, des jeunes, tout ça. On va retrouver les travailleurs sociaux, hein, assistants sociaux, EduxPé, un tas de machins de la NPE, là, je ne sais plus comment ça s'appelle tellement, les conseillers Pôle emploi, des gens de Pôle emploi, pas forcément les conseillers, mais en tout cas des gens, des cadres de chez Pôle emploi. On va retrouver l'éducation nationale, les missions locales, la protection judiciaire de la jeunesse, le parquet, les équipes de quartier et compagnie. C'est pas la maison de Pénélope ? Ces collaborations, en fait, elles donnent entre autres lieu à des réunions. Elles donnent lieu à d'autres trucs aussi, hein, des partenariats, genre des centres socioculturels qui promeuvent des séjours avec la police. Il y a un centre de loisirs de la police nationale à Nantes. Oui, avec des flics et tout pendant tes vacances. Si t'as des mômes... Ah, si tu sais pas quoi faire pendant les vacances, ouais. Tu vas t'inscrire. Des vacances avec la police. Bah oui, c'est clair, tout le monde en rêve. Et c'est carrément pas cher. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, quoi. Et du coup, il y a des activités comme mini-moto, pas mal de trucs que t'as pas forcément accès ailleurs. Enfin, de la mini-moto, je crois qu'il y a des trucs... Non, je crois qu'il y avait surtout de la mini-moto. En tout cas, à l'époque. Peut-être qu'ils font autre chose maintenant. En tout cas, ça peut être ça, ce genre de partenariat. Ça peut être des centres de loisirs ou des centres sociaux quand on voit des jeunes passer leurs vacances chez la police. Merci à eux. Ça donne aussi lieu, et ça, c'est sûr que ça existe, à une fois par mois des réunions qui réunissent différents intervenants d'un même quartier, en fait, et qui vont réunir travailleurs sociaux, pareil comme tout à l'heure, quoi. Travailleurs sociaux, bailleurs HLM, des éducs de prévention, des flics, la PJJ, les écoles, les directeurs et directrices de structures d'animation, des agents municipaux, des cadres des associations, etc. Avec un double objectif, en fait, à la fois, même un triple objectif, échanger sur les situations qui sont vécues, du coup, les trucs que vivent mal les gens en termes de sécurité... dans les quartiers populaires, quoi. Enfin, les gens, les intervenants, hein, qui sont pas les gens... les autres gens, tout le monde s'en fout, de toute façon, les gens qui habitent là. Hein. Les trucs que vivent mal les intervenants, quoi. Un autre truc qui est de recenser les infractions et du coup, de tous les mois, faire des échelles d'ambiance pour voir dans quel quartier il y a le plus d'infractions. Mais l'infraction, ça peut être, je sais pas, quoi, Oui, tout dépend ce qu'on entend par infraction, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et du coup, ça dépend des travailleurs du coin qui vont ou pas faire remonter des trucs. Est-ce qu'ils vont, eux, trouver que c'est une infraction d'avoir, laissé 5 canettes par terre avant de se barrer? Ou est-ce que... Enfin, voilà, c'est toujours assez subjectif. Et... Et dans tout ça, ils vont aussi en fait se permettre de faire des échanges d'informations sur les personnes qui vivent dans les quartiers. Du coup, on imagine une table. Autour d'une table, il y a, je sais pas, des directeurs de centres de loisirs ou de centres. Souvent, c'est plutôt les centres sociaux. Des éducateurs, des gens qui travaillent à l'école, des gens, enfin, des flics, la protection judiciaire de la jeunesse, quelqu'un de Pôle emploi, de la mission locale, tous ces gens bien là, machin, là là là. Et ben, ils sont autour d'une table et puis ils disent, bah tiens, machin, ben moi j'ai des problèmes avec machin. Souvent c'est la police plutôt qui commence, hein, c'est pas les autres. Et tout, vous auriez pas un peu machin chez vous, ça va? Il fait quoi? Comment ça se passe? Et du coup ils vont. Enfin, il y a un espèce de truc de pêcher, d'aller à la pêche du renseignement, puis de dresser des profils en fait de gens qui poseraient problème. Bon, on va pas se demander si bah, machin à l'école, si ça va pas, pourquoi ça va pas bien à l'école, et est-ce que je sais pas. Enfin, on va pas se demander ça, quoi. On va dire, bah ok, machin, ça va pas bien à l'école. Est-ce que machin, ça va pas bien aussi là? Est-ce que machin, ça va pas bien aussi là? Puis on dresse un espèce de profil de la personne à qui peut-être la PJJ va proposer, enfin va même imposer en fait un parcours. Sans lui demander son avis, évidemment. Ouais, c'est ça. Ah. Et puis des trucs qui vont permettre de remplir les dossiers de la police. Du coup, voilà, ça fait partie des trucs collaboration. J'espère que vous vous perdez pas à écouter, quoi, mais ça fait partie des trucs collaboration, en fait, entre, du coup, les différentes institutions. Voilà, police, c'est ça, quoi. Voilà, et la ville, elle a... Pouvoir mieux fliquer les personnes, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, dit, en fait. Ouais, grave, quoi. Et fliquer et réprimer, fichier, quoi. Et la ville, elle va avoir un rôle fondamental là-dedans parce qu'elle va faire partir des pilotes, en fait, de ce genre de réunion et de ce genre de... En fait, il y a des contrats d'action territoriaux de tranquillité publique et la ville, elle va être pilote de ces contrats, en fait. Et elle va être pilote dans ce genre de relation et elle va... Enfin, voilà. Ça, c'est pas du tout nouveau. Dans les autres trucs qu'on peut voir aussi, c'est, je sais pas, les RG qui déboulent au centre social et qui demandent des rendez-vous aux directeurs, directrices de centres sociaux, en fait, pour discuter de qu'est-ce qui se passe dans le quartier, et enfin avec leurs questions, puis toujours leur façon à eux de mener l'entretien qui fait que t'as pas forcément l'impression de balancer des informations, mais que finalement, les professionnels, s'ils acceptent les rendez-vous, finissent par balancer... des informations. Une partie des professionnels refusent d'entrer dans le jeu-là, mais une partie des professionnels rentrent dans le jeu. Enfin, des professionnels, j'entends des intervenants, en fait, dans les quartiers populaires, sachant que la plupart des gens qui interviennent, en fait, c'est pas des gens qui habitent les quartiers, quoi, que ça a pas d'influence sur leur vie, ces trucs-là, en fait, et que peut-être ils ont l'impression de bien faire en je sais pas quoi, mais enfin... Enfin, voilà. Et du coup, ça donne aussi, ouais, ça donne lieu aussi dans ces réunions à des moments où les flics peuvent demander assez franchement de dénoncer en fait des infractions pour en rajouter sur la gueule et souvent sur la gueule de jeunes, enfin de mineurs, quoi, de mômes qui ont entre 12, enfin de jeunes qui ont entre 12 et 17, quoi. Voilà, et peut-être vous vous demandez c'est quoi le lien en fait entre ça et la maison de la tranquillité publique. Et l'idée c'était pas forcément de dresser un diaporama, enfin non, un panorama exhaustif du truc, parce qu'il y aura encore 10 000 tonnes de trucs à dire. Mais le lien en fait que moi je vois entre ce truc-là, entre ces trucs-là en fait, les agissements de la ville en matière de faire coopérer plein de services. Pour réprimer et contrôler, quoi, et ben, c'est que, en fait, dans une espèce de nouvelle doctrine, en fait, qui est en train, enfin, qui n'est pas nouvelle ailleurs, mais qui est un peu nouvelle en France, qui est en train de naître, c'est que jusque-là, on a fait de la sécurité sans les citoyens. Je dis citoyens parce que c'est eux qui parlent comme ça. On a fait de la sécurité sans les citoyens, en fait. Et en fait, on se rend compte que la sécurité sans les citoyens, c'est un peu, ça marche pas très bien, en fait, parce que les gens, ils deviennent défiants, parce que, enfin, pour plein de raisons, en fait, ça marche pas très bien. La sécurité sans les citoyens, forcément, ceux qui collaborent, c'est ceux qui dénoncent les autres, mais c'est pas ceux qui pourraient avoir tendance. Hein. Voilà, tout le monde ne collabore pas avec les autorités. On cherchait plutôt des citoyens dociles, quoi. Ouais. Et du coup, bah, le rapport, c'est qu'il manquait un maillon, en fait, et le maillon, c'était ce lien, en fait, avec les citoyens, quoi. Et dans une ville comme Nantes, qui est plus un laboratoire de la participation citoyenne qu'un laboratoire de la sécurité, comme, je sais pas, Marseille, Lyon, tout ça, mais en vrai, de pouvoir lier sécurité et participation citoyenne, c'est un peu le rêve, en fait. Et j'imagine que c'est le rêve pour Johanna Roland, Gilles Nicolas, alors lui, en plus, qui est issu du renseignement... Je sais pas, il doit, je sais pas, il doit être complètement foufou. Et si je parle de ça, c'est pas juste que moi je me suis dit tiens, tac tac, il manque un maillon, c'est les citoyens. C'est que en fait, il y a un rapport qui est sorti en 2015, qui est un rapport de l'INHESJ, qui est l'institut. Je retrouve pas dans mes notes. C'est un institut, c'est un truc public en fait d'études, de hautes études sur la sécurité et le juridique. Et en fait, ils ont rendu un rapport en disant justement qu'il y avait un problème d'implication des citoyens et des citoyennes dans les processus de sécurité. Et eux, ils donnent deux principales raisons au fait qu'il faudrait, que c'est vraiment important d'impliquer les citoyens. Alors, je dis citoyens parce qu'ils le disent 15 000 fois. Alors, je vais le dire 15 000 fois aussi. Du coup, il donne deux principales raisons. C'est d'une part parce que l'État tout seul, en fait, il n'est pas en mesure matérielle de maîtriser l'ensemble de la chaîne répressive. C'est con, hein, mais... et d'autre part, et surtout, parce que la sécurité, je cite là, est politiquement l'affaire de tous. L'engagement citoyen sur ces questions est une condition impérative du maintien du lien État-nation. La sécurité se retrouve même au cœur de la définition de citoyen, le citoyen soldat, défenseur de la cité, acteur légitime et incontournable du processus de sécurité. Du coup, voilà, c'est leur vision. Alors, cet institut, en fait, c'est un institut qui est payé avec des fonds publics hein, et qui est domicilié à l'école militaire de je sais plus où. Enfin, bref, c'est... voilà, c'est un institut militaire qui rend des rapports... C'est un bon moyen aussi pour diviser... Enfin, je vois ça comme ça aussi, pour diviser les personnes, quoi. Ouais. Mais ça, ils vont pas l'annoncer publiquement. Il y a les bons citoyens et puis il y a les mauvais, quoi. Enfin, oui, voilà, oui, quoi. C'est clair. Ça et puis de faire... Toute contestation, en fait, par rapport... assez pratique. Ouais, ça et puis toute solidarité aussi, oui, parce aussi, que ouais. Souvent l'enjeu c'est de faire entre les riches et les pauvres, ça marche assez bien, il n'y a pas besoin de mettre tant d'efforts pour que les riches dénoncent les pauvres, etc. Mais entre pauvres, d'instiller autant de haine ou de méfiance ou de je sais pas quoi, entre les uns les autres, entre pauvres, c'est forcément c'est un gros bénéfice pour les pouvoirs, quoi. Voilà. Et eux, ils vont partir, du coup, ce même institut, hein, dans leur rapport, ils constatent que la France, en fait, elle a un retard énorme à rattraper dans l'implication des citoyens dans l'insécurité, dans la sécurité. Et ils se demandent même pourquoi. Alors, moi, je leur dirais, peut-être, il y a des gens, ils se rappellent de 39-45, ils n'ont pas très envie de faire ce genre de truc, quoi. Enfin, de dénoncer leurs voisins, hein. Et eux, ils vont partir sur deux axes principaux de travail qui sont susciter, encadrer et encadrer l'implication du citoyen dans les processus de sécurité. Et ça, c'est... Excusez-moi. J'ai essayé de pas trop ramer. Du coup, voilà, ils ont deux axes de travail et l'objectif, c'est de susciter et d'encadrer l'implication du citoyen dans le processus de sécurité. Et leurs deux axes de travail, c'est en fait l'éducation à la sécurité avec la culture en fait de la sécurité. Et l'autre côté, c'est de consolider l'engagement citoyen dans les processus de sécurité. Mmh. La culture de la solidarité et la culture de la sécurité. Ouais. Oui, c'est super, quoi. Bah oui. Et voilà. Ça marche, hein. Ah ben ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont un rapport. Je vais pas lire du coup les recommandations, ouais. Mais ils ont plein de recommandations, dont service civique sécurité obligatoire, machin, tout ça. Peut-être vous pouvez chercher, puis on pourra remettre sur le site. Oui, on pourra compléter. Oui, Et à propos de culture, à propos de la culture de cannabis, ça marche aussi la délation. Est-ce qu'on peut dénoncer des gens qui, par exemple, cultivent du cannabis dans leur appartement? Ah bah ouais, grave, ça se fait déjà. Ah, ça se fait déjà. Où ça, donc? A priori, à Saint-Sébastien, il y a des gens qui ont dénoncé leurs voisins. Ah bah voilà, c'est une bonne affaire. Bah, tu vois, Johanna, ça marche bien ton truc là sur la tranquillité publique. Bon, du coup, je vais arrêter là. Il y aura encore pas mal de trucs à dire, mais je vais arrêter là. J'espère que c'était pas trop brouillon pour vous. Et du coup, je sais pas trop... On avait un son de 10 minutes, mais peut-être c'est un peu short. On n'avait pas un troisième petit son de 1 minute ? Oui, il reste une petite pub, quand même, un petit message de la Maison de la Tranquillité. Le voisin du dessous fait ses courses à Lidl plutôt qu'à la Biocoop. Vous avez entendu vos voisins dire qu'ils se foutaient de la transition énergétique. Votre voisin se laisse pousser la barbe. Vous avez vu votre voisine jeter sa canette de bière dans la poubelle réservée aux ordures ménagères. Dénoncer son voisin, un geste simple, un geste utile, un geste civique. Ceci est un message de la Maison de la Tranquillité publique de Nantes Métropole. Pour votre santé, dénoncez un ou deux voisins par jour. Surtout, on trouve toujours. On est toujours sur le magazine Libertaire et là, pour dénoncer son voisin. On veut pas sentir ça. On est dans le magazine Libertaire, toujours, jusqu'à 22h. Donc tout de suite, on pensait passer un son. Ouais, qui s'appelle Super Voisin et qui a un son qui vient de Méga Combi. On a eu super pressé aujourd'hui, alors on va pas vous la présenter, mais on vous a présenté plein de fois Méga Combi. Entraide entre voisins, espace vert, respect mutuel. La résidence des Tourterelles à Lyon 12e a longtemps été un havre de paix, un modèle d'entente entre générations et entre cultures. Mais depuis quelques années, la situation se détériore et aujourd'hui, tous les habitants de l'immeuble s'accordent à dire que rien ne va plus. Escalier, squatté. Wesh, gros, fais tourner. Partie commune, délaissée. Putain, mais c'est qui a encore balancé les bébés morts dans le vide ordure ? Incivilité. Tu refous le bordel comme ça, je t'éclate la gueule, c'est clair, ok ? T'as compris ? La vie à la résidence des Tourterelles est devenue un enfer et quand les habitants se croisent, ils ne se disent plus bonjour, mais s'insultent. Salut, connard. Vas-y, ta gueule, la vieille. C'est toi là l'enculé du deuxième, ouais ? Laisse-moi l'ascenseur, salope. Voilà un terrain d'intervention idéal pour Super Voisin. Super Voisin. Super Voisin, c'est le voisin idéal, celui que tout le monde rêve d'avoir. Serviable, gentil, dynamique. Super Voisin, c'est la solution pour la résidence des Tourterelles. Salut, moi c'est Super Voisin. Sa mission est simple, en s'installant à la résidence des Tourterelles pendant un mois, Super Voisin doit redonner à ses nouveaux voisins le goût de vivre ensemble. Oh, j'avoue, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit que Super Voisin, il avait surtout l'air con, qu'il n'allait pas faire vraiment, vraiment pas faire long feu ici. Mais en fait, je dois reconnaître, je me suis trompé. Le premier contact avec les habitants est toujours essentiel pour la bonne réussite de la mission de Super Voisin. À son arrivée, il entame donc une tournée de l'immeuble pour se présenter. Et là, t'as vu le gars direct, je lui mets une mandale, bim ! Wow, bien vu, frère. Ouais, franchement, mais il l'a trop mérité, mais grave. Salut les jeunes. Vas-y, ouais. C'est qui ce bolos, là ? Ouais, grave. Alors, je me présente, je suis Super Voisin. Je vais habiter aux Tourterelles quelques temps pour aider les habitants d'ici à retrouver un petit peu d'harmonie. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu bafouilles, là ? Mais on n'est pas harmonique, là, peut-être ? Non, mais vas-y, mais regarde. Pour être tout à fait honnête, je trouve que vous écoutez un peu de la soupe, là. Hein ? Ouais, si vous voulez passer pour des durs, c'est un peu raté. Vas-y, fais voir ton téléphone là. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? T'es un ouf toi ? T'es qui toi ? J'ai entendu dire qu'il fallait pas décourager ceux qui croient ou chantent l'impossible. Mais le soulèvement n'aura pas lieu. Ce soir il y a un match de Champions League. C'est bien, réfléchis. Alors ? Ouais, non, c'est bien. Hein ? Ouais, ça claque. Ça a quand même une autre gueule ça, non ? Ah ouais, non, grave, c'est du lourd là, mec. Ouais, super. Ah, franchement, mais grave. Bah voilà. Ouais. Bon, puis franchement, les gars, c'est quoi ce shit dégueu que vous fumez ? Bah. Quoi ? Il a quoi ce shit ? C'est quoi ? Sérieux ? Goûtez-moi cette beuh, ça va vous changer les neurones. Ouais, alors moi, au début, en fait, on a cru Super Voisin, t'as vu, c'était entre un guignol du centre social que la ville, elle nous envoyait pour nous fliquer, mais en fait, c'est trop pas ça, quoi, tu vois, c'est trop un daron, enfin, franchement, non, mais franchement, Super Voisin, respect, mec. Super Voisin. Devenu populaire auprès des jeunes de la cage d'escalier, Super Voisin est confronté à un autre problème récurrent à la résidence des Tourterelles, le bruit. L'immeuble a été construit dans les années 70, les murs sont en carton, quand quelqu'un tire la chasse au cinquième, on n'entend plus la télé au premier. Super Voisin. Bonjour. Bonjour, Madame Plancher, je suis super voisin, votre nouveau voisin. Bonjour. Je viens vous voir parce qu'on m'a signalé des problèmes de cohabitation avec vos voisins du dessus, la famille Béton. Ah bah oui, ce qui nous empêche de dormir, hein. Mais entrez donc prendre un petit café, on va pouvoir causer un moment tous les deux. L'invitation de Madame Plancher est le signe que l'intégration de super voisins se passe plutôt bien. Et donc, bah, comme avec mon mari, on travaille de nuit, bah, la journée, on a besoin de dormir. Sauf que la mère Béton, elle, est nounou. Et toute la journée, ça piaille, se cavale de partout, et nous, on est juste en dessous. Oui, ça doit pas être facile tous les jours. Mais j'ai peut-être une petite idée pour régler ça. Non, vous savez, on a déjà tout essayé. Est-ce que vous prenez du sucre, monsieur ? Quelle idée a eu Super Voisin pour régler le différend entre les familles Béton et Plancher ? Que va-t-il faire pour assainir les relations avec le commerçant du rez-de-chaussée ? Quelle solution va-t-il trouver face à la récurrence des cambriolages ? Vous le saurez juste après la pause. Super Voisin. Cette année, l'épidémie de grippe a démarré plus tôt que d'habitude. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Vous avez un enfant en bas âge, il est infecté, jetez-le dans le Rhône. Les gestes de chacun font la santé de tous. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Non mais tu vois, leurs histoires de mariage entre homosexuels, écoute, c'est pas naturel. Puis moi franchement, ça me dégoûte quoi. Non mais attends, les étrangers qui votent aux élections, les étrangers ça veut rien dire, ils ont qu'à être français. Non mais moi j'ai vraiment pas envie de payer des impôts pour des gens qui travaillent pas, qui font pas d'efforts et puis qui sont des assistés sociaux, parce que c'est ça. Bah non, mais les Roms c'est des voleurs. Et puis t'as vu comment ils vivent ? C'est efficace, c'est pas cher, c'est la baffe que je préfère, c'est la baffe. Les préfets ont pour mission de démanteler les campements de Roms. C'est une politique à la fois ferme et en même temps respectueuse du droit. C'est la baffe. C'est la baffe. Super Voisin est en mission à la résidence des Tourterelles au fin fond du 12e arrondissement de Lyon. Son but, ramener l'harmonie entre les habitants qui ne s'entendent plus. Laisse-moi l'ascenseur, salope ! Ou qui s'entendent trop. Mais toute la journée, ça piaille et ça cavale de partout. Pour régler le problème de cohabitation entre les familles Béton et Plancher, Super Voisin a eu une idée révolutionnaire. Super Voisin. Bonsoir, il est l'heure de se lever. Bonjour Roger, laissez-nous 2 minutes là, on libère le lit. En fait, Super Voisin a eu une idée géniale. La règle, c'est que la famille qui dort occupe l'appartement du dessus. Comme ça, plus de soucis de bruit pour ceux qui sont en dessous. Et en plus, c'est agréable, le lit est toujours chaud. Super Voisin. Avec son concept d'appart superposé, Super Voisin a marqué des points chez les habitants des Tourterelles les plus âgés, sans perdre la confiance des jeunes fêtards. Psst, Super Voisin, elle est super bonne la tacoque, mais comment ça se fait qu'elle est si peu chère là ? Chut, on en reparle, okay. Reste un dernier problème à régler pour Super Voisin, les cambriolages. En l'espace de 2 semaines, la porte du bas a été forcée 17 fois, soit plus d'une fois par jour, et les appartements ont été visités quasiment toutes les nuits. Oh, franchement, on en a marre, on n'est plus en sécurité. Et puis une fois, je les ai surpris et puis je me suis dit que c'était toujours les mêmes. En plus, ils m'ont piqué des caleçons, vraiment, ça peut plus durer. Pour éviter de nouveaux dégâts, Super Voisin a passé la nuit à veiller derrière la porte d'entrée de la résidence pour surprendre les voyous. Et il a su vaincre ses peurs en ouvrant le dialogue avec ceux qui allaient rentrer par effraction. Bonsoir, vous devez être le cambrioleur ? Cambrioleuse plutôt, mais ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc moi je suis super voisin, j'habite ici le temps de régler quelques problèmes, notamment celui qui fait que la porte est forcée quasiment toutes les nuits. Ouais, et alors qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah voilà, enfin je voulais vous donner un badge, comme ça vous pouvez rentrer sans casser la porte. Bah merci. Et puis voilà, du coup, ce soir, les voisins du 4e sont absents. D'après ce qu'ils m'ont dit, ils cachent leurs bijoux dans la couture du canapé de la chambre des ados. Voilà. Ouais, alors la première fois, franchement, j'ai eu peur, quoi. Enfin, je pensais que c'était un de ces voisins vigilants qui se prend pour un flic. Mais en fait, pas du tout. Non, en fait, il est super avenant. Alors, il nous indique même les endroits où on peut dormir après avoir vidé les frigos des voisins absents. Non, franchement, j'ai jamais eu un plan aussi accueillant. Vraiment, non, il est super, hein, super voisin. Super voisin. Alors pour le tuyau du quatrième, c'est 60 euros. Ouais, et je peux te payer en coke, super voisin ? Pas de problème, les jeunes du second en raffolent. Merci, super voisin. Tu viens au repas de quartier dimanche, hein ? Les habitants sont d'accord pour accueillir les cambrioleurs. Eh ben ouais, mais en fait, je voulais d'abord en profiter pour visiter les apparts. Mais bon, on passera vite fait, ouais. Super voisin. Repas de quartier, échange de tuyaux, petit commerce de proximité grâce à Super Voisin. L'harmonie est revenue à la résidence des Tourterelles. Bonjour, c'est vous Super Voisin ? Oui, c'est moi. Veuillez nous suivre s'il vous plaît. La semaine prochaine, Super Voisin essaiera de faire revenir l'harmonie à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Mon super voisin, on t'accueille quand tu veux, par ici, n'hésite pas. Avec tes bons plans. On est toujours sur le magazine Libertaire et on va passer aux annonces. Oui, on voulait passer aux annonces. Alors la première annonce, ça se passe du côté d'Angers. Alors c'était ce soir à 18h, mais je ne sais pas, enfin si vous êtes du côté d'Angers, peut-être que vous pouvez toujours croiser des personnes qui ont participé à cette fin d'après-midi, cette soirée. Je ne sais pas où ça en est en fait. C'est, alors il y avait un rendez-vous à 18h, place du ralliement à Angers. Et ce rendez-vous, il s'intitule « La parole au quartier ». Et c'était pour donner la parole aux quartiers populaires, leurs habitants, aux associations de quartiers qui vivent au quotidien la stigmatisation et l'impunité policière. Et aussi pour écouter les témoignages de ceux et celles qui ont vécu les brutalités policières à Angers et faire entendre leur ras-le-bol. Donc c'est un rendez-vous qui est déclaré, qui se veut pacifique et qui a été initié par les habitants des quartiers d'Angers pour dire que les quartiers ne seront plus et que nous sommes tous concernés. Les prochaines annonces, en fait, c'est ce week-end. Donc c'est suite à la semaine des résistances, là, qui n'est pas encore terminée d'ailleurs, qui s'est déroulée à partir du 20 jusqu'au 26 février, et pendant laquelle il y a eu des discussions et des échanges sur les pratiques et les perspectives de lutte. Et cette semaine de résistance, elle s'achève par un week-end d'action contre le meeting du Front National qui aura lieu dimanche au Zénith. Et alors, il y a tout d'abord un rendez-vous samedi à 15h à Commerce, à la croisée des trams, pour une manifestation. Et puis, dimanche, il y a un rendez-vous à 12h30 pour... alors, c'est un appel à action collective ciblée, affinitaire et imaginative, afin de barrer la route au FN. Et, entre autres, il est prévu une opération escargot qui se tiendra en début d'après-midi avec klaxon, alarme, sirène, feu de détresse, casserole, banderole. Et ça se passera du côté du Zénith. Donc il n'y a pas de rendez-vous fixe, mais je pense que vous pouvez avoir des informations sur Internet. Voilà, il y a des... L'annonce est sur IndieMedia, nantes.indiemedia.org, nantes-indiemedia.org. Voilà, donc... Il y a ce rendez-vous pour ce week-end contre le meeting du FN. Et du coup, dans le cadre de la semaine des résistances, demain soir, il y a une soirée sur mai 68 à Nantes. C'est au Café des Docks et c'est vers les machines de Lille, mais je ne sais pas trop où. Dans ce coin-là, mais vous pouvez chercher Café des Docks. Et c'est une soirée sur mai 68 à Nantes. Et voilà, et ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, et on se retrouve la semaine prochaine à 20h40. Tout à fait. Bonne semaine. Salut. Bonne semaine, salut. Ciao.